Donc l'ascèse est une pratique subordonnée à un perfectionnement religieux de soi, je pense aussi. Et si on se passe naturellement dans le cadre d'une ascèse religieuse, mais concernant l'ascèse en général, c'est-à-dire y compris philosophique, Xavier Pavy parle de la recherche d'un mieux-être. Il y aurait donc intrinsèquement, effectivement, l'idée d'une amélioration de soi que l'on retrouve aussi chez les sportifs. Et on parle aujourd'hui, mon accent anglais est très mauvais, mais de, comment on dit ça, enhancement, c'est ça, en philosophie et anthropotechnique, pour désigner les manières d'accroître les capacités du corps humain. Et l'ascèse serait peut-être alors une catégorie d'enhancement, uniquement là dans les techniques du corps, et non pas dans les techniques extérieures au corps, dans le champ religieux ou plus largement spirituel. Donc ici, je vais m'intéresser plus particulièrement à l'ascèse monastique catholique, puisque les moines sont, selon les termes de Max Weber, ces virtuoses de l'ascèse extramondaine. Et je vais justifier aussi en quoi il est pertinent de prendre l'ascèse monastique comme idéal type de l'ascèse catholique. Le but de l'ascèse est assez difficilement définissable de manière univoque, tellement celle-ci a pu faire l'objet d'applications plurielles au cours de l'histoire. Mais la question de ce but pose aussi, bien sûr, pour nous, celle de sa fonction, et plus particulièrement aussi de sa fonction sociale. J'aimerais à ce propos citer d'ailleurs un extrait de la notice Ascétisme de Jean-Pierre Albert, qui dit donc, en contexte bouddhiste ou chrétien, l'ascétisme est au centre de la légitimation d'une figure de saint, figure exemplaire de ce qui peut être une vie entièrement soumise aux exigences les plus hautes de l'engagement spirituel, mais aussi réceptacle d'une puissance surnaturelle qui se met au service de la collectivité. Donc l'ascèse serait ce qui permet de reconnaître la virtuosité religieuse. Mais on peut distinguer aussi différentes visées dans l'application des exercices ascétiques qui engendrent aussi un débat interne sur la définition du but réel de l'ascèse. On a observé dans l'histoire plusieurs motifs d'application de ces disciplines corporelles. Donc tout d'abord, il y aurait un but de contraindre Dieu, par exemple, donc de le contraindre à envoyer ce qu'on attend. Par exemple, Caroline Bynum explique que pour le jeûne au Moyen-Âge, jeûner, c'est choisir de se priver pour inciter Dieu à envoyer l'abondance, la pluie, les récoltes et la vie, etc. Un deuxième but serait celui d'imiter Dieu, par exemple. Donc, en l'occurrence, d'imiter le Christ, ses souffrances, de se rapprocher le plus possible de cette image divine. Et à certaines époques, effectivement, l'humanité du Christ a été perçue principalement par ses souffrances, et c'est pour ça qu'on va imiter les souffrances du Christ dans le dolorisme. Un autre but de l'ascèse serait aussi de s'entraîner, donc en référence à l'étymologie d'exercice, s'entraîner pour pouvoir faire face, combattre le péché en cas de tentation, et améliorer sa vie religieuse, s'améliorer. L'idéal type de cette ascèse d'entraînement serait celle des moines du désert qui, guerriers du soi, mènent un véritable combat contre les tentations identifiées dans les démons. Et il y a véritablement cette rhétorique du combat physique, violent, qu'ils mènent contre ces démons qui sont aussi identifiés de manière physique. Mais en tant qu'exercice, on peut distinguer essentiellement deux buts directs de l'ascèse qui sont eux-mêmes intégrés au but de perfectionnement de la vie religieuse. Dans une visée de salut. Tout d'abord, l'ascèse est ce qui permet d'ordonner l'être entier au but religieux. Le moine vise à se concentrer entièrement, exclusivement et constamment sur Dieu. Or, cela ne lui est pas naturel, notamment parce que les fonctions organiques du corps vont le contraindre à se décentrer par moments de la visée divine pour satisfaire à des besoins naturels. Et c'est pour cette raison que, selon Weber, le moine développe une réduction planifiée des fonctions corporelles et soumet les pulsions naturelles à une vie systématique. Là, je cite Max Weber. Il s'agit donc de dépasser le status naturae, comme il le dit plus loin, pour atteindre un état qui serait théoriquement plus proche de celui de Dieu. À ce propos, enfin, je trouve que par rapport, ça rentre beaucoup, je trouve, en résonance par rapport aux propos de Florent, justement, sur cette recherche de l'homme qui vise à devenir Dieu. Mais la question que je trouve passionnante est de savoir, finalement, quel est ce modèle de perfection que l'on recherche. Parce que tu parlais de nature authentique, ouais, de l'homme, ça. Et, pardon, d'être humain, quoi, ouais. voilà, d'être humain parfait. Dans la vie religieuse catholique, il y a en fait l'image que l'on vise n'est pas forcément aussi claire, puisque donc il y a des époques où on a fait une fixation sur le statut angélique, qui est pour moi assez paradoxal, puisque si puisque les anges ne sont ni hommes ni dieux. Or, si l'homme cherche à atteindre ce statut divin, ce n'est pas ce n'est pas le but, justement. Et on a trouvé, je trouve intéressante aussi ce qu'on a trouvé dans le monachisme des premiers siècles, de cette idée donc de s'éloigner de la condition animale, d'une part, comme première étape, mais qui pour les femmes nécessitera en fait de passer par la condition masculine. On a vu de nombreuses femmes se déguiser en hommes, etc. Perdre leur identité sexuelle avant de devenir des ascètes, et pour les hommes de viser le statut angélique. Et donc, je trouve qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce propos du modèle que l'on suit. Donc l'ascèse vise à donner un sens religieux à ce qui n'est sinon habituellement pas soumis au jugement et ne laisse aucun espace à ce qui ne deviendrait pas, à ce qui ne viendrait pas de Dieu. Et donc on peut définir l'ascèse dans un premier temps comme une rationalisation religieuse de la vie quotidienne, et plus particulièrement donc rationalisation religieuse des fonctions organiques. L'ascèse a donc pour but de rendre l'être intégralement religieux, et cette perspective demande à être replacée dans le cadre du monastère comme utopie du royaume de Dieu, déjà là et encore à venir, tel que le définit Jean Segui. À la création d'une société nouvelle va correspondre celle d'un homme nouveau, comme le cite aussi Henri Desroches, et l'ascèse va alors permettre ce processus de transformation vers l'homme religieux nouveau, celui qui sera idéalement comme donc dans le royaume de Dieu. Et en ce sens, on pourrait dire que l'ascèse serait l'incarnation de l'utopie ou l'utopie incarnée. Par son attention au moindre mouvement du corps, l'ascèse crée un habitus religieux total qui prend en compte chaque détail de la vie quotidienne. Foucault insiste sur cette notion du détail. Et par exemple, la démarche lente et silencieuse, le signe de croix avant chaque gorgée d'eau, la récitation de versets de psaumes chaque matin, lorsqu'on revêt chaque élément du vêtement, enfin de l'habit, etc. Tout ça, cet habitus, équivaut à une ritualisation de chaque instant de la vie quotidienne. Et en ce sens, l'ascèse peut être aussi définie dans un second temps comme une ritualisation exhaustive de la vie quotidienne. La question est donc, concernant maintenant les pratiques, la question est de se demander si les pratiques concrètes définissent l'ascèse. Donc y aurait-il des fondamentaux de l'ascèse, comme par exemple le jeûne, la chasteté, la régulation du sommeil, que l'on semble retrouver dans un grand nombre de traditions ascétiques, puisque en discutant avec Florence, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de pratiques qui étaient communes, mais est-ce que cela suffit à définir des fondamentaux de l'ascèse ou pas? C'est-à-dire, est-ce que en regard, ça équivaudrait à dire que les moines qui ne pratiqueraient pas le jeûne ne seraient plus des ascètes, ne seraient plus des virtuoses de l'ascèse. Étant donné la grande variation des exercices ascétiques dans l'histoire du monachisme, il me semble plus pertinent, je pense, peut-être plus prudent, d'approcher la pratique ascétique par une typologie modulable. Donc là, je vais vous proposer une typologie assez théorique, justement, de manière à ce que les pratiques puissent s'intégrer dans cette typologie et sans qu'on se base uniquement sur des pratiques concrètes. Donc si je reprends dans un premier lieu, j'aurais bien fait un dessin. Si l'on reprend la typologie proposée par Otto Zöckler dans son ouvrage « Askese und Monachtum »,« Ascèse et monachisme », il y aurait déjà deux types principaux d'ascèse. Donc pour Otto Zöckler, je vais vous écrire Zöckler, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Askese und Monachtum », il y aurait deux types donc principaux déjà d'ascèse. La première serait l'ascèse individuelle, qui, comme son nom l'indique, met en jeu l'individu dans son unicité, et de l'autre côté, une ascèse coopérative, qui concerne les types d'ascèses qui mettent en présence les relations sociales, donc la communauté, la chasteté, le retrait des relations sociales et enfin aussi l'obéissance donc au supérieur. À l'intérieur de l'ascèse individuelle, il distingue une ascèse négative, dans les actes de renoncement au monde et d'abstention des besoins vitaux plus ou moins nécessaires. Et je passe dans l'autre sens. Et donc, bien sûr, de l'autre côté, une ascèse positive. Dans les actes d'occupation, donc Beschäftigung, avec les choses divines, et en un mot, l'élévation vers Dieu, qui peut s'appeler aussi ascèse spirituelle. Et donc, le but est de s'élever les sens à l'esprit, du terrestre à Dieu, du monde au Créateur. Le premier type d'ascèse est donc plus orienté vers le corps physique, l'ascèse négative, quand le second concerne plus ce qui est de l'ordre de l'esprit et de sa capacité à entrer dans la contemplation de Dieu. Donc de ce que propose ce clerc, je pense qu'on peut aller plus loin pour nous approcher des exercices eux-mêmes, et on peut distinguer dans l'ascèse négative une ascèse par retrait, qui vise à supprimer certaines réalisations des désirs corporels, et une ascèse par ajout qui va ajouter des contraintes supplémentaires, des exercices supplémentaires. L'ascèse négative par retrait, donc celle-ci, consiste le plus souvent en ce qu'on peut appeler une régulation dans la réalisation des désirs, et cette régulation peut s'effectuer soit en qualité, soit en quantité. Et à l'intérieur de chacune, en qualité ou en, enfin, surtout en qualité, ça peut être partiel. Je vais donner des exemples. Partiel ou total. Donc, par exemple, la cèse de la nourriture sera le plus souvent partielle, bien sûr, bien qu'on ait des exemples de mystiques qui n'auraient pas mangé pendant des années, mais de manière générale, c'est une ascèse partielle, mais qui peut être soit en quantité, dans la réduction même de nourriture, ou la réduction de nombre de prises de repas, puisque l'ascèse monastique bénédictine traditionnelle, en fait, était dans le nombre de prises de repas, ou en qualité, si, par exemple, on choisit de supprimer certains aliments, comme, par exemple, de manière classique, la viande chez les bénédictins. Inversement, par contre, l'ascèse sexuelle monastique est une ascèse en général totale, donc dans l'abstinence complète des relations sexuelles. La mesure de l'ascèse à ses pratiques concrètes et ostensibles donc risque d'occulter une variable fondamentale qui est que l'ascèse est aussi une fonction du niveau de vie de la société. Et même si les moines ont symboliquement quitté le monde, ils proviennent cependant d'une société déterminée qui a influencé leur mode de vie, et l'ascèse se doit aussi, d'autre part, de demeurer plausible si le monastère veut jouer son rôle utopique. L'ascèse demande donc à être replacée dans le contexte d'une société et d'une époque déterminée. Elle demeure théoriquement toujours, donc elle se mesure toujours par rapport à un étalon social, selon lequel elle évolue au cours du temps. Et elle demeure toujours théoriquement un cran en dessous du niveau de vie moyen de la société, mais cet écart à la société demeure pratiquement inchangé. Il y a une image que j'ai trouvée, je ne sais pas si elle est juste, ce serait celle du serpent monétaire européen des années 70, où enfin, l'idée était de que les deux écarts restent toujours identiques, et je pense que c'est la même chose avec l'ascèse, que l'écart de l'ascèse à la société demeure identique, quelle que soit finalement l'évolution du niveau de vie de la société. Un exemple, par exemple, que l'on peut prendre est celui du jeûne, où bien sûr le jeûne aujourd'hui n'a plus rien à voir dans une société de consommation ou même société de la société, de la satiété, par rapport à une société où la famine ou la disette était fréquemment présente. De même pour le sommeil, Léo Moulin explique bien qu'au Moyen-Âge, pour se lever plus tôt que les autres, il fallait vraiment se lever aux aurores, enfin il fallait se lever à 2h, 1h, 2h du matin, puisque déjà, c'est avant les aurores, puisque tout le monde se levait déjà aux aurores. Et donc l'ascèse est aussi liée au processus de civilisation, si on reprend les termes de Nobel Elias, et à l'évolution du seuil de pénibilité, qui fera par exemple que l'absence d'hygiène ne sera plus considérée aujourd'hui comme une ascèse plausible, puisque au contraire, il y a un rejet, un dégoût par rapport à ça. Tout à l'heure, j'étais dans le métro, il y avait un clochard dans le métro qui avait une certaine odeur, les gens sont dégoûtés, ça ne viendrait pas l'idée de se dire que c'est une ascèse aujourd'hui de ne pas se laver. Le public. Je continue là-dessus. Donc, qui est concerné par cet exercice? En théorie, tout le monde peut être concerné par cet entraînement pour se rapprocher de Dieu, pour devenir plus proche de Dieu. Mais contrairement à d'autres traditions religieuses, comme on va le voir sans doute avec Florence, il semble que dans le catholicisme, l'ascèse, enfin dans ce concept que je viens d'exposer, cette vision de l'ascétisme, soit peu à peu concentrée sur le monde monastique et religieux en général. Mais ça ne signifie pas que ces exercices ne sont pas attendus des laïcs. C'est ce qu'explique par exemple parfaitement Peter Brown dans son ouvrage sur la chasteté des premiers siècles. Donc cette chasteté, sous une forme autre que les moines, était aussi requise des laïcs dans le mariage, et l'est toujours théoriquement, mais pas de manière aussi radicale. Mais si l'ascèse devient aussi dans le catholicisme l'apanage de ceux que Weber distingue comme les virtuoses, c'est aussi parce que ceux-ci se consacrent intégralement et professionnellement à la recherche du salut. Et c'est principalement donc le caractère exhaustif de l'ascèse qui ne la rend pas accessible au plus grand nombre. En outre, l'habitus que crée l'ascèse va aussi fonctionner comme une distinction vis-à-vis des non-ascètes, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les faire reconnaître comme virtuoses. Et c'est en ce sens donc que c'est autant l'exercice ascétique qui va engendrer un habitus spécifique, et donc une distinction du moine par rapport au masque, comme dirait Weber, que finalement le seul fait de pratiquer ces exercices qui va aussi distinguer le moine.